En Corée du Sud, 6 organisations civiles, y compris le comité de lutte de Songju contre la disposition de sod, le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disposition de sod et le comité de mesure d'urgence pour la protection du lieu sacré Songju du bouddhisme Won, ont publié le 29 juillet un commentaire contre la disposition de sod illégale par les autorités sud-coréennes, apprend-on de News 1 de Corée du Sud.